les flots, un poulet de la PJ soutenait le corbeau à police d'une belle fille qui pensait commissaire. Et pourtant il n'était qu'inspecteur. Oui, et chantait un agent pour se donner de l'entrain. Ce suave refrain, ses propos engageants de police. Viens t'allonger sur l'herbe tendre des prés, patatras, je te ferai des gentillesses. Je t'énivrerai de langueur, de volupté, tralala, de doux baisers et de caresses. Je suis un tendre troubadour et je ne vis que pour l'amour. Oui, pour l'amour. La belle fille fut émue de ces mots-là. Elle en eut un petit chocolat. Comme une fleur d'une voix assez pâle, comme une fleur, elle lui répéta le doux refrain déjà dit. Et puisqu'elle le redit, ah, moi aussi, je le redis, comme ça, ça sera dit. Rose, viens t'allonger sur l'herbe tendre des prés, patatras, je te ferai des gentillesses. Je t'énivrerai de langueur, de volupté, tralala, de doux baisers et de caresses. Je suis un tendre troubadour et je ne vis que pour l'amour. Oui, pour l'amour. Le poulet barbotant dans le tage retrouva son petit cœur de potache. À celle qui n'avait Dieu que pour l'huile, le sieur répéta toute la nuit le toujours même refrein, en caressant le sein doux de la petite écuyère qui ne trouvait pas sa louche. T'allonger sur l'herbe tendre des prés, patatrac, je te ferai des gentillesses. Je t'énivrerai de langueur, de volupté, tralala, de doux baisers et de caresses. Je suis un tendre troubadour et je ne vis que pour l'amour. Oui, pour l'amour. Je les agrippe en disant, quand on est trois, on se sent tout de même moins au large. Et sans me demander, les connais-je? Avec eux, pour flotter, me liège. Et nous avons coulé des instants de grand bonheur en susurrant tous les trois accords et encore un, deux, trois. Viens t'allonger sur l'herbe tendre des prés, patatras, je te ferai des gentillesses. Je t'énivrerai de langueur, de volupté, tralala, de doux baisers et de caresses. Je suis un tendre troubadour et je ne vis que pour l'amour. Oui, pour l'amour, avec bon poil sous les roses.